Allô, allô, bienvenue au Lobster 8.0 de la semaine du 27 août 2018. Cette semaine, des sujets importants dans Lobster. On parle de fromage, de pets de Kalinos. Je vous donne aussi des bonnes nouvelles de la planète et pourquoi je crois avoir perdu ma bonne étoile. Pourquoi le mauvais œil est sur moi? Aussi, cette semaine, dans notre blog sur les bandes dessinées, je vous parle de trois jolies BD que je viens tout juste d'ajouter à ma collection. Des BD d'un héros qui a 99 ans cette année, quand même, puis qui tient son nom de l'expression « œil éclaté » en anglais. Une petite idée de qui je vous parle? Pour ceux qui n'ont pas deviné, je vous en parle tantôt. Et pour le reste, d'autres sujets qui viendront pimenter le Lobster 8.0 où, comme à l'habitude, je parle de tout, mais jamais de rien. Commençons déjà avec des bonnes nouvelles de la planète avant que le ciel ne me tombe sur la tête. Première bonne nouvelle pour l'Inde, où la population de lions asiatiques ne cesse d'augmenter. Cette espèce était au bord de l'extinction en 1960 quand moins d'une centaine d'individus étaient encore en vie. Aujourd'hui, ils sont plus de 600. Grâce à l'interdiction de chasse et à des mesures de conservation de son habitat. Maintenant, des bonnes nouvelles du côté de Singapour. Ce sont les requins que le gouvernement veut protéger. Ce pays est un très grand consommateur de soupe d'aileron de requin, ce qui encourage la surpêche de ces grands poissons. En plus, seul l'aileron est consommé puis le reste est rejeté à l'eau. En 2017, ce sont 89 enseignes de restauration qui ont donc décidé ensemble de bannir ce plat de leur menu. Au total, on ne trouvera plus de cette soupe dans 3800 restaurants. Une mesure qui devrait laisser du répit aux requins puis enrayer un début d'extinction. Un gros effort de la part des restaurateurs quand on sait que le plat était vendu à prix d'or. Maintenant, au Brésil, c'est le Cerrado qui a reçu une bonne nouvelle. Cette forêt, longtemps restée dans l'ombre de sa grande sœur amazonienne, rassemble un tiers de la biodiversité brésilienne. Guépards, perroquets, plantes, c'est une forêt qui rassemblerait 160 000 espèces de plantes et d'animaux. Et comme dans d'autres endroits du monde, c'est la production intensive de soja et de l'élevage de bœuf sur ces terres qui met cette forêt en péril. Mais cette année, ce sont 61 grandes entreprises comme L'Oréal et McDonald's qui se sont engagées à préserver cet écosystème en empêchant toute nouvelle exploitation des sols. En gros, plutôt que d'acheter de la viande élevée dans le Cerrado ou des cultures cultivées dans les limites de terre de cette forêt, ils ont émis des directives pour favoriser ceux qui exploitent des terres externes à la Cerrado. Maintenant, une bonne nouvelle pour le Congo où un bébé gorille des plaines est né. Chez cette espèce très menacée et en danger d'extinction, chaque naissance est un miracle. Les femelles ne peuvent avoir en effet qu'un seul bébé tous les 4 ans. Et même une fois né, le gorillon, il n'est pas sûr de survivre. Donc la protection de leur environnement devient une nécessité pour cette espèce qui est menacée aussi par le braconnage. Puis pour ceux qui n'ont pas le goût de se rendre en Afrique pour l'observer, sachez que le zoo de Granby reste un choix de proximité plus abordable. C'est le plus gros des primates, le mâle il peut atteindre 600 livres, puis la femelle, elle, est habituellement presque deux fois plus petite. Et dernière bonne nouvelle pour cette semaine, cette fois plus proche de nous, au Québec, on s'en va en période préélectorale. L'élection générale québécoise de 2018 va être la 42e élection générale québécoise, puis se tiendra le 1er octobre 2018. Donc, durant toute la campagne, vous aurez la chance de voir la face de vos candidats placardés un peu partout, ce qui est en soi une excellente nouvelle. Car en effet, dès le 2 octobre, il ne vous faudra pas plus qu'une simple paire de pinces pour récupérer de jolies affiches en carton plastifié. Affiches que je qualifie de très utiles pour le bricolage. Moi, mon stock d'affiches étant à zéro maintenant, je suis donc bien content qu'on approche des élections. C'est donc un rendez-vous qu'on se donne dans les rues le 2 octobre. Puis si jamais on vous attrape à récupérer des pancartes, eh bien, sachez que je nierai toute implication d'incitation aux méfaits, car tout le monde sait évidemment qu'on n'a pas le droit de faire ça, voyons. C'est pas à nous ces pancartes-là. Donc, faites-vous pas attraper. Si j'étais vous, je ferais ça en soirée après le souper, là, quand il fait un peu moins clair. Voilà, ces bonnes nouvelles donnent de l'espoir et nous encouragent à ne pas laisser tomber le combat pour la planète et contre nos politiciens qui ne prennent pas toujours les meilleures décisions pour préserver notre belle planète. Attendez! Vous risquez votre vie. Dites-moi au moins votre nom. Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Vel over den hede. Selv Pour ceux qui se demandent ce qu'on vient d'écouter, puisque dans le Lobster, on sort gaiement hors du registre radiophonique, eh bien, c'est du folk metal, une fusion entre du heavy metal et de la musique folklorique. C'est un style qui est apparu en Europe vers les années 90. Le style inclut une forte base métal, mais également des instruments traditionnels des cultures auxquelles il se réfère, tels la flûte ou la cornemuse. Puis souvent, les textes des chansons ont de fortes influences mythologiques ou historiques. Donc, la première chanson que je vous ai fait jouer était en russe, du groupe Arkona, mais je pourrais pas trop vous en dire plus sur ce qu'il raconte. Mais cependant, la seconde chanson est du groupe Tyr, T-Y-R, elle, j'en sais un peu plus. Mais avant, sachez que Arkona, c'est un groupe féroïen. Et pour notre connaissance générale à tous, sachez que les îles Féroïens sont une province autonome du Danemark qui est située à mi-chemin entre l'Écosse et l'Islande. Puis en plus, en allant valider c'était où, je suis tombé sur un article qui expliquait comment Google Street ont cartographié cette île. Plutôt que le faire en voiture comme ailleurs, ils ont attaché des caméras solaires sur des moutons en liberté sur l'île. L'île compte 50 000 habitants et 80 000 moutons. C'est donc sans surprise que je vous apprendrai que « île Féroé » signifie « île des moutons » en féroïen. Donc, pour en revenir à la deuxième chanson, j'ai trouvé la traduction des paroles. Puis sachez que toute la chanson traite de la bataille de Kringel du 26 octobre 1612. Il s'agit d'un conflit opposant des fermiers norvégiens qui ont dû défendre l'île contre des mercenaires écossais commandés par George Sinclair. Je prends le temps de vous lire la traduction, je trouve que c'est une belle histoire. Monsieur Sinclair s'en est allé sur la mer salée. Vers la Norvège était son cap. Entre les falaises de Gudbrand, il trouva sa tombe. Une sanglante épreuve, il rencontra là-bas. Bien avant l'aube, ils vinrent sur la lande. Par les côtes de Romsdal, il se rendit à terre. Il se déclara ennemi. 1400 hommes le suivaient. Tous avaient le mal dans leur esprit. Ils pillèrent et brûlèrent partout où ils se rendirent, ne se souciant pas des droits des peuples. La faiblesse du vieil homme ne les touchait pas. Ils se moquèrent de la veuve pleurant. Les fermiers de Vaga, de Lesja et de l'homme, aux haches aiguisées sur leurs épaules, en de larges enseignements, ils se formaient ensemble. Avec les Écossais, ils voulurent combattre. Il y a un chemin que vous pouvez appeler Kringen. Lagen se dépêche devant cet endroit. Là-bas, les ennemis tomberont. Kringen était jonché de cadavres. Les corbeaux ne pouvaient plus rien dévorer. Le sang jeune coula là-bas. Les jeunes Écossaises le pleurèrent. Sur la même place, il y a une pierre commémorative où les ennemis de la Norvège se tenaient menaçants. Malheur aux Norvégiens qui ne prennent garde lorsque ses yeux l'observent. Bien avant l'aube, ils vinrent sur la lande. Voilà, c'était la petite histoire autour de cette chanson. Descendu, salopard. Voilà. Vous deux, vous êtes vraiment des frimeurs. Et quel est ton problème, Kazanski? Pour tout le monde, c'est toi le problème. C'est parce que chaque fois que tu montes dans un avion, tu es incontrôlable. Je ne t'aime pas parce que tu es dangereux. Ça, c'est vrai. Ice Man. Et souris pour les miroirs et les lentilles. Quand elle m'envoie des photos, elle est sans filtre. Je me fais tirer les ficelles par des filles superficielles sur leur sans fil. Impeccable. Comment t'agences ta robe à tes talons? As-tu déjà pensé à agencer ta parole à tes actions? I'm just saying. C'est pas toi, I'm just saying. Je tombe toujours pour le même truc. Ah, les magiciens. J'ai encore vendu mon âme pour une âme sœur. Je sais, j'avais promis d'arrêter. Je croyais que j'avais trouvé la bonne pour de bon, but my shorty got away. À chaque fois, c'est la dernière danse. Et puis le refrain revient lentement. Tant qu'on aura le rythme, for real, I ain't gotta worry about a thing. I ain't worry about a damn thing. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. À travers le monde entier. Oh, she got it, now she can't let go. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. Tant qu'on aura le rythme, for real, I ain't gotta worry about a thing. Maintenant tu m'attends sur ma deuxième ligne. J'avais que tu rappellerais one of these days. Mais t'en fais pas, mon cœur est flexé. Tu peux le squeeze mais pas le briser. Oublie le passé, on fait comme de rien.

si je voulais vous décrire c'est quoi, je dirais c'est comme des frites minces, mais faites fromage puis salé. Mais c'est pas de fromage bovin que je voulais vous parler, mais plutôt de fromage égyptien. J'ai lu une nouvelle cette semaine qui disait que sous les sables du désert égyptien, les archéologues auraient retrouvé une substance blanchâtre solidifiée reposant dans un pot cassé. Bon, quand on parle d'une substance blanche reposant dans un pot, c'est pas moi qui serais volontaire pour aller goûter. Mais il y a sûrement des goûteurs pour ça. Mon goûteur! Que l'on appelle mon goûteur! Voilà, voilà, voilà! Goûte, goûteur! Avec joie, ô ma reine! Oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula! Avec les techniques modernes d'analyse, les scientifiques croient maintenant que c'est probablement le plus ancien résidu archéologique solide de fromage jamais trouvé. Cette découverte a été faite dans la tombe de Ptnam, le maire de l'ancienne ville de Memphis, et le fromage, âgé de 3200 ans, était composé d'un mélange de lait de vache et de mouton ou de chèvre. Un des résultats significatifs de l'étude sur ce fromage est ceci, je vous le lis directement. On peut citer les signes de bactéries potentiellement responsables d'une maladie mortelle, la brucellose, due à la consommation de produits laitiers non pasteurisés. Selon l'étude, si elle est confirmée, ce serait la première preuve biomoléculaire directe de l'existence de la maladie au cours de la période pharaonique. La brucellose, dans l'Égypte ancienne, a été identifiée par les effets ostéo-articulaires sur les os de momies. La conclusion peut suggérer que les Égyptiens mangeaient du fromage ou du lait contaminé. Donc c'est ça, j'aime toujours les nouvelles archéologiques et aussi les reportages dans le style de National Geographic. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais écouté un reportage sur des archéologues qui entraient dans un mausolée en Égypte. Et tout le long de l'émission qui durait 2 heures, on nous faisait miroiter la salle secrète qui serait ouverte durant l'émission. Dans l'annonce, on nous présentait ça comme un événement. Donc, durant toute l'émission, on suivait l'excavation, les archéologues nous expliquaient la période de construction du mausolée, on nous montrait des petits objets de céramique qui avaient été retrouvés, etc. Et on nous tenait en haleine comme ça tout le long, jusqu'à 5 minutes de la fin où je me disais « Ils vont-ils l'ouvrir, la salle? » Toutes les précautions avaient été prises. Les archéologues français devant suivre les consignes d'un genre de conservateur ou archéologue égyptien qui supervise tous les sites fouillés en Égypte. Puis malheureusement, à la fin, la salle était vide. Elle avait déjà été pillée, ce qui m'avait déçu. Pourtant, le reportage était super intéressant. Je l'aurais écouté de toute façon, mais de me faire miroiter tout le long une salle au trésor alors que c'était vide, je trouvais que c'était inutile. Un mauvais teaser. Donc, voilà pourquoi je vous ferai pas faux bond et que vous saurez bientôt, avant la fin du Lobster, quel événement me fait croire que je suis maintenant maudit et qu'il va me falloir un bon gris-gris pour me protéger du diable. Pour terminer ce bloc de discussion, je vous laisse sur une recette ancienne, une recette égyptienne, une recette que les enfants bien élevés connaissent et que tous parents devraient connaître. Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels. Oui. Macarons foudroyants. Pas mal. Tarte au venin de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Bon. Oh, le pudding à l'arsenic. Oh oui! Dans un grand bol de strychnine, d'eldéhyde, de la morphine, de fer tiédir à la casserole, un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non. Hein? Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif. On fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un thé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Ah, bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez 3 quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. décorée de fruits confits, moisie dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle. Et un peu de vitriol. Non! Oui! Ah, je savais bien que ça serait bon. Le pudding à la sodique nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des Gaulois. Yeah. Lorsque t'es libre, c'est le temps de minuit. Je réanime ma femme encore tout en sommeil, ouais. Pour qu'elle se réhabille, descend les escaliers. Pour qu'elle aille me chercher mon lait et mes biscuits. Je lui dis Solange, es-tu réveillée? Solange, es-tu réveillée? Hey, Solange, es-tu réveillée? Je rêve mon patron prend en flagrant lit. Un volet, un stylo, un carnet, un presse-papier. Quel horrible cauchemar, je me réveille dans mon lit. Et s'il m'en sueur, rien ne sert de paniquer. Mais j'ai beau me raisonner, le cauchemar n'est pas fini. Je me tourne vers ma femme, elle sera me rassurer. Je lui dis Solange, es-tu réveillée? Solange, es-tu réveillée? Je ne sens pas bien sans nous que les fêtes du souper. Nous prenons une relation, j'ai peut-être empoisonné. Je suis bon pour la mort, si je ne fais rien. Appelez la pharmacie, non, encore mieux, un médecin. Mais faites un quelque chose et puis vite où je crie. Réveillez Solange, la dernière chance de sursis. Je lui dis Solange, es-tu réveillé? Solange, es-tu réveillé? Chanson du vidéo, on l'a dédiée à ceux qui étaient là, Puis à ceux qui le seront dans le futur, ça s'appelle « Sous un ciel écarlate ». Comme la pluie qui s'abat tout au fond de mon être, et le tonnerre qui monte comme au temps des ancêtres, comme le feu qui rougeoie jusqu'aux confins du ciel, la furie de ce monde paraît éternelle. Je sens la violence et je vois le chaos. J'entends la délinquance hurler bien haut. Je ressens la douleur comme je vois la torture. J'ai goûté ton malheur, j'ai touché tes blessures. Sous un ciel écarlate, je veux que ma colère éclate. Qu'elle m'allait tout sur son passage. Puisqu'alimente les feux. J'ai quelque chose pour vous. Avant, il n'y avait qu'une seule gomme qui ne collait pas à votre dentier. Maintenant, vous avez le choix entre une gomme non collante ordinaire et une qui a meilleur goût. Voici la nouvelle Cristal, la gomme qui ne colle pas et qui a meilleur goût que votre autre gomme non collante. Une saveur extraordinaire, ça c'est Cristal. Alors pas besoin de sacrifier le bon goût pour avoir une gomme qui ne colle pas. Adoptez Cristal, la gomme non collante qui a meilleur goût. Les pertes de Kalinos, ou les gommes ballons pour être plus clair. J'espère que vous aviez déjà fait le lien. Une ballonne qui explose nous colle au visage, une pluche de Kalinos qui pète, ça lui colle dans la laine des fesses, comme une ballonne? Non? Oui? Ok, c'est mon problème, je vais vivre avec. Donc, le sujet des gommes ballons m'est venu de mon ami Martin. C'est bien, je commence à avoir des auditeurs qui me proposent des sujets. C'est une question que sa fille lui a demandé. D'où vient la saveur de gomme ballon? Avez-vous la réponse? Moi, aucune idée. Donc, on passe au prochain sujet. La sexualité chez les crapauds albinos, un mythe ou une réalité? Non. Bon, notre saveur de gumballoon, Martin, a été assez gentil pour me fournir la réponse avec sa question. C'est ça, un ami. Mais avant, petite histoire autour de la gomme. Les premiers hommes mangeaient de la résine de conifère, probablement pour se désinfecter la bouche. Plus tard, les Mayas ont fabriqué une gomme appelée chiclée, préparée à partir du latex contenu dans un arbuste. Ensuite, au Moyen Âge, on mâchait aussi. On mâchait quoi? De la couenne de porc. Ouf, bonjour la bonne haleine. On n'appelle pas ça pour rien cette période de l'histoire, le Moyen Âge. Sinon, l'usage de la gomme, surtout concentré aux États-Unis au départ, s'est répandu en Europe pendant la Première Guerre mondiale, notamment grâce à la Croix-Rouge puis aux soldats américains. Mais il ne s'agissait pas encore de la fameuse gomme ballon rose qui fut inventée par Walter Demer, un comptable de la compagnie Fleet en 1928. Pourquoi rose et pas bleu ou vert la gomme? Tout simplement parce que c'était la seule couleur que Demer avait sous la main à l'usine lorsqu'il a réalisé ses tests. La gomme commercialisée sous le nom de Double Bubble pour une scène a généré des profits de plus de 1,5 million de dollars US. L'invention, qui n'était pas brevetée, fut ensuite reprise par plusieurs autres compagnies, dont la fameuse gomme Bazooka introduite en 1947. Et maintenant, pour répondre à la question d'où vient la saveur de la gomme ballon, eh bien, c'est un secret de l'industrie. Chaque fabricant de gomme ballon garde sa formule secrète. Mais on s'entend pour dire que la saveur chimique des gommes ballon est un mélange généralement fruité. Fraises, bananes, cerises, parfois au goût d'orange, citron ou cannelle. Il y a autant de saveurs de gomme ballon que de marchands qui vendent de ce produit. Et en passant, n'ayez pas peur d'avaler votre gomme. Non, elle ne restera pas pris 7 ans dans votre estomac. Ça, c'est une légende urbaine. Mais sachez tout de même que si vous en avalez plus de 10 gommes par jour, ce qui est considéré comme une consommation excessive, vous pourriez mourir en quelques jours à cause des produits contenus dans les gommes modernes. Car on prédit que l'estomac vous défoncerait, la gangrène pognerait là-dedans et vous pourririez de l'intérieur en quelques jours seulement. Donc, attention à vos consommations de gomme. Merci beaucoup, Anne. Bonsoir tout le monde à la maison. Bienvenue à Coup de foudre. Ce soir, on a des gens de Québec et vous avez remarqué, ça crie beaucoup plus fort ici en studio qu'au Colisée, n'est-ce pas? Bienvenue, les gens de Québec. Et également des participants de Québec avec nous. Ce soir, les demoiselles en priorité, je vous les présente à l'instant. Suivez-moi. Comment ça va, les filles? Bien. Bien. Ça va aller très bien tantôt, vous allez voir. Caroline, José, Isabelle. Caroline, premièrement, le garçon idéal pour toi, c'est quoi? Moi, c'est un gars imprévisible qui aime l'imprévu pour qu'il puisse me suivre partout où je vais. Ah, vous êtes une petite fille mystérieuse? Oui. On va beaucoup de plein de choses à découvrir avec vous. Bonne chance. Merci. José? Moi, ça me prend un garçon qui reste au naturel, mm-hmm. avec un gros sens de l'humour. C'est très important. Important pour toi. Assez. OK. Bonne chance, José. Merci. Isabelle, pour toi? Moi, pour premièrement, un sportif, c'est une chose qui vient. Mm-hmm. Après ça, ce serait probablement un grand sens de l'humour certain. Bonne chance à toi aussi, Isabelle, pour le coup de foudre ce soir. On rencontre les garçons, compagnie d'Anne. Merci. On va essayer de vous trouver ça, les filles. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. On débute par Pascal. Comment tu la vois, la femme de tes rêves? La femme idéale, pour moi, c'est une femme qui est assez sympathique. Qui est plutôt. Qui a un bon sens de l'humour, puis ouais. qui n'est pas très difficile dans le choix de ses garçons. Bon, on te souhaite bonne chance. Merci. Luc, toi? Moi, c'est quelqu'un de sincère, affectueux, puis qui a un bon sens de l'humour. Aussi? J'en demande pas plus. Eh bien, ça revient souvent, ça, ce soir. Non, mais on pourra vraiment qu'on va avoir de la facilité à vous trouver l'âme sœur. Merci, Luc. Christian, toi? Ça va revenir encore. Moi, je prends quelqu'un qui a un grand sens de l'humour, puis qui a surtout un grand sourire, c'est l'important. Bon, vous souhaite bonne chance, messieurs. Alors, vous avez le sens de l'humour de l'autre côté, de ce côté-ci aussi. Ben, ça devrait bien aller. On s'attend à rire, certainement. Il faut s'amuser avant tout. Évidemment, on a des couples à faire raconter. C'est J'espère ça. Que ça va réussir parce après qu'on est bien partis ce mois-ci. On revient après la pause. Je me sens comme un chihuahua dans un bed shop de sang d'un champ. Je me sens comme un chihuahua. le char, je me sens comme un chihuahua, vite sortez-moi de là. Regarde vu d'ici, ce trottoir fut conçu spécifiquement pour pouvoir s'y promener sans s'arrêter devant. C'est maintenant le temps de vous parler pourquoi je crois que le mauvais œil est sur moi, pourquoi j'ai perdu ma chance, pourquoi je crois que la mort est sur moi. En début de semaine, j'ai trouvé sur mon terrain un oiseau mort. Jusque-là, rien de mal, pas d'inquiétude. Mais plus tard dans la semaine, je trouve sur mon patio arrière un deuxième oiseau mort, un joli cardinal rouge. Là, je me suis inquiété. Deux oiseaux morts dans la même semaine, je pense qu'on tente de me faire comprendre de quoi. Une force astrale ou une entité d'un autre plan a clairement quelque chose à me dire. Je suis donc allé lire sur Internet la signification de cela. Et après seulement quelques clics sur des sites douteux de médiums, j'ai trouvé la réponse astrale à ce phénomène. Et comme Internet a toujours réponse à tout et qu'il faut toujours croire Internet, au même titre que les écritures bibliques, j'ai lu le message que Carolicia avait laissé dans un forum et qui répondait à quelqu'un qui s'inquiétait d'avoir trouvé deux oiseaux morts dans sa semaine. J'ai déjà eu affaire à ce phénomène deux fois sur la même semaine. C'est un sort marabout. Il y a deux significations. C'est un signe que votre couple va être détruit. Bon, de ce côté-là, c'est fait depuis des années pour moi, donc j'ai continué à lire. C'est un sort marabout qui ne peut que vous apporter la mort ou la malchance. Comme la crédibilité astrale de Carolicia, médium à temps partiel au visage plus effrayant que la vision de mes deux oiseaux morts, me semblait dans la même lignée que Jojo Savard, alors je n'ai pu que conclure que c'en était fait pour moi. et sur tous les autres sites que j'ai consultés par la suite pour tenter de me rassurer, je n'ai trouvé que des mots de mort aussi effrayants qu'apocalypse, amputation, décès, Éric Salvaille. Alors j'en conclus que je dois craindre pour ma vie. Donc, je tenais à vous le dire à l'avance, si vous voyez qu'il n'y a plus d'épisode du Lobster après cet épisode, alors vérifiez dans vos journaux, ma photo devrait se trouver dans la section nécrologique avec le texte « Mort dans des conditions inexplicables ou surnaturelles ». Donc voilà, vous êtes avertis, il semble que des forces puissantes sont à l'œuvre contre moi. Sinon, cette semaine, j'ai usé mes dernières onces de chance à la boutique Renaissance. En effet, je suis tombé sur 3 BD de Popeye. Quelle chance! Et oui, ce marin, héros de BD depuis 1919, puis qui tire sa force d'épinard, et qui tient son nom de son œil éclaté, Popeyes, hein? Fallait y penser, Popeye! La première chose que j'ai remarquée dans les BD, c'est que l'un des personnages n'avait plus le nom que je lui connaissais. En effet, l'ennemi naturel de Popeye, un pirate baraqué et patibulaire, avec une barbe noire que je connaissais sous le nom de Brutus dans les épisodes de TV, se nomme Timothée dans cette version française des BD que j'ai en main. Heureusement, c'est le seul changement. Pour le reste, j'ai pu retrouver Olive Oil, jeu de mots pour huile d'olive, la fiancée, et ensuite femme de Popeye, qui se fait plus qu'à son tour séduire et kidnapper par Brutus, mais que Popeye parvient toujours à sauver. Ensuite, un autre personnage, c'est Mimosa, le fils que Popeye et Olive auront ensemble et qui n'héritera pas de la force herculéenne de son père et qui, de surcroît, détestera les épinards aux grandes dames de son père. Puis finalement, Gontran, l'ami de longue date de Popeye, un peu grassouillet, qui possède sa propre chaîne de restaurants de hamburgers, puis qui essaye tant que bien que mal de s'abstenir de trop manger. Voilà pour les personnages principaux. Ce qui m'a surtout surpris à la lecture de mes 3 BD, c'est le sujet de l'une des histoires. Dans la BD « Popeye cherche la bagarre », on retrouve Popeye qui, en manque d'argent, décide de se remettre à la boxe. Mais surprise! C'est contre Olive qui s'est trouvé une passion de la boxe qu'il va devoir se battre. Donc, tout le long, la BD est axée sur le dilemme de Popeye, à savoir s'il va affronter et frapper sa belle Olive. C'est plutôt inusité comme sujet. Dans la BD, comme Olive est la première femme à monter sur le ring et qu'elle gagne tous ses combats grâce à son fameux coup du moulin à vent, dans la BD, les femmes s'émancipent et prennent exemple sur Olive et commencent à frapper leur mari. Ce qui amènera les maris à se plaindre à Popeye pour qu'il s'interpose contre Olive pour que tout ceci cesse. Puis cela mènera à des échanges bizarres entre eux. Par exemple, on a Popeye qui dit à Olive « Ce que t'as besoin, c'est d'une bonne raclée. » Puis Olive qui répond « Tu n'oserais pas! » Puis finalement, comme la situation ne cesse de dégénérer, Popeye se résout à combattre Olive, car c'est le seul assez fort pour s'opposer à elle. Mais suspense! Est-ce que je vous compte le dénouement? Je le fais pas habituellement, mais je doute que vous tombiez sur ces BD. C'est des vieilles BD qu'on trouve rarement, donc je vous compte le dénouement, qui vient clore ce sujet plutôt délicat. Donc, Popeye décide d'affronter Olive en combat. S'il gagne, elle lui promet qu'elle arrêtera de se battre. Mais dès les premières rondes du combat, Popeye, on voit qu'il se contente de manger des épinards pour supporter les coups d'Olive. Il n'est pas question pour lui de lever la main sur sa belle. Puis finalement, Popeye tient le coup jusqu'au 12e round comme ça en mangeant ses épinards. Et on voit à la fin Mimosa, son garçon, qui lui apporte ce qu'il avait prévu. Donc Mimosa donne à Popeye un bouquet de roses baccarat que Popeye offre à son tour à Olive. Puis en voyant ces fleurs qu'elle aime tant et que Popeye lui offre, elle dit « Des roses baccarat? Glop! Il m'aime toujours malgré les coups qu'il a reçus. Oh, je suis ému! » Puis là, on la voit qui tombe sur le dos, ce qui permet à Gontran, l'arbitre du match, de rapidement faire le décompte et de déclarer Popeye vainqueur. Popeye conclut l'histoire en disant « Je connaissais son point faible et c'est là que j'ai frappé. » Donc c'est ça, j'étais bien surpris par cette BD, j'ai bien aimé. Elle s'appelle Popeye cherche la bagarre, une BD sortie en janvier 1972. Un dernier fait intéressant sur Popeye, c'est qu'en Europe, avec leur régime sur les droits d'auteur, Popeye est maintenant libre de tout droit. Il fait partie du domaine public depuis 2009, alors qu'aux États-Unis, les règles sur les ayants droit étant différentes, il faudra attendre 2024 pour qu'il soit complètement libre de tout droit d'auteur. Je vous parle de ça parce que la marque Popeye engendrerait encore 1,5 milliard de dollars de vente par année, tous produits confondus. Moi, quand j'y pense, je pense immédiatement aux suppléments protéinés Popeye que certains prennent pour se donner du muscle. Donc, une histoire de gros sous encore rattachée au personnage. Donc voilà, on en sait un petit peu plus sur Popeye. Je crois que ça va être tout pour ce Lobster 8.0 qui, je l'espère, ne sera pas le dernier. Je vous souhaite donc une belle semaine de rentrée scolaire. Et on se reparle, si la vie le veut, la semaine prochaine. Merci! Chip, chip, chip, chip, chip. Tabarnak de Christ, moi, là, aujourd'hui, là. trop moins de numéro de téléphone, la protection du consommateur. Alors, je t'écœurerai. Je colle ça dans les mains de la protection du consommateur. Très drôle. Probablement qu'il m'a déconnecté, là. Et le tabarnak, moi. Monsieur, il a veillé patienter, il a raccroché, là. Il l'a vu que j'étais en beau crise, là. T'es beau être patient, là. T'es maudit, t'as-tu collé, ils vont se réparer. Là, j'ai pas mis les nerfs. Moi, j'ai pas mis leur patron, ça va. Si c'est brisé, là, le tabarnak de collé, c'est 5 grammes de c'est pas de ma faute. Ils vont se réparer. Ça, c'est juré sa tête de l'émerge. Oui, merci d'avoir patienté. Ouais, je pourrais vous conseiller immédiatement, là, un super exemple. Ouais. Donc, suite. Juste patienter un moment que je vous transfère. Je vous remercie, monsieur. Ouais, c'est quoi le numéro de protection du consommateur? Oh, tu t'as fait de coller le tabarnak de Chris, moi, là, aujourd'hui, là. Et le tabarnak, moi. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Vive Montréal! Vive le Québec! Je me trouvais dans une atmosphère du même genre. Oh, c'est un petit colis, tabarnak de Chris, moi, là, aujourd'hui, là. Et le tabarnak, moi. Le colis de 5 ans, c'est pas de ma faute. Le modèle corps, il marche pas, là. Vive le Canada français et vive la France!